l'orgue. Et qui joue du bon tant pis. Oh Bobby. Métronome qui me tape dans les oreilles. T'es sur le même tempo toi? Il y a un retard. Ah, j'enlève. Je me base sur toi. Métallique, t'as ouais, je me suis pris une barre dans la gueule. Je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Alors maintenant, je chante un peu bizarrement. Y'a un gars qui m'a foutu une grosse tarte dans la gueule. De... je parle un peu du nez. Et ils sont tous partis là. Oh putain, ils sont tous partis, Bilos. C'est ma faute. Ah ouais, ils sont partis de l'autre côté, non? Bah, je vais voir Double Bye.